nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. On en est à l'émission 406. Voilà. Alors aujourd'hui, oui, c'est un petit peu particulier. L'autre jour, j'étais à un repas à Saint-Nicodème et une voisine de table m'a demandé si je pensais traiter du mot fricot. Et alors, ça m'a semblé une très bonne idée. Le fricot, je suis un petit peu enroué ce soir. Le fricot, oui. Alors le fricot, c'est amusant parce que c'est un mot qui a été emprunté au français et qui est désuet en français. C'est-à-dire, il a pratiquement disparu en français. J'ai même rencontré des gens qui, des francophones, qui ne savaient pas ce que c'était, alors qu'il est très vivant en breton et en gallo et en gallo aussi d'ailleurs. Donc dans toute la Bretagne en fait. Donc voilà, alors c'est un mot qui a été emprunté au français au XVIIIe siècle, et c'est un mot qui, d'après Albert Déhay, vient d'un verbe qui a disparu, qui était frigasser. Frigasser, qui est un hybride entre frire et casser, quoi. Mm-hmm. Par exemple, faire une omelette, on frigassait les œufs. D'accord. Voilà. Alors, donc ce mot fricot, donc c'est un mot breton maintenant, donc c'est un mot masculin qui a un pluriel fricoyou et qu'on emploie beaucoup. Alors il est, donc je le disais, il est désuet en français. On dit plutôt un festin, un banquet. Mais par contre en breton il est resté et en français régional même. Les gens utilisent souvent ce mot fricot, quoi. Alors il désigne donc un repas amélioré par rapport au quotidien. Voilà, par exemple, il y a une chanson, là, le Tournerost, qui a été faite par Pierre Letertre de l'Henri Vin dans les années 1860. Alors, je vais essayer de le chanter un peu. C'est « Rosté gouéland de mazezo, pévé ronta au beurre fricot, a pévé la que gantan au houcha de bateau, nan ne vais plus ja, du remis que vrai ton neutre. » Donc, c'est presque un symbole. Des Bretons, donc de faire du fricot, et bien sûr le plat principal qu'on accompagne en musique, c'est le rôti. Enfin, ce qu'on appelle rost, on reviendra sur ce mot rost d'ailleurs certainement. Donc c'est un mot. Alors d'une part, il est très employé en gallo et en breton. On a plusieurs types de fricot. Par exemple, fricot prune, c'est le fricot au pruneau. C'est presque une recette, le fricot au pruneau, quoi. Voilà. Puisque, en fait, les pruneaux, qui sont pas du tout une spécialité locale, mais ont connu un grand succès en Bretagne. D'ailleurs, une grande partie de la production de la région d'Agen venait en Bretagne et était utilisée pour des tas de spécialités. Dans le phare au début ou plutôt avec la viande ou... Un peu tout, un peu tout. Mais dans les repas, dans les fricots, il y avait presque toujours des pruneaux. Fricot prune. Alors fricot heureux, bien sûr, le fricot du mariage, c'était l'une des principales circonstances pour avoir des fricots comme ça. Et puis il y avait aussi le fricot moteur, pour le battage, que dans certaines régions on appelait fricot mécanique. Fricot mécanique, calze bateau à neube de geek. Beaucoup de pommes de terre et pas beaucoup de viande. Voilà. Le mot fricot, c'est un mot d'importation, mais qui s'est bien intégré dans la langue bretonne. Le mot breton, c'est prête. Le repas, quoi. Oui, le repas. Et alors, on a déjà parlé de cette racine prête, qui veut dire un moment, en fait. Donc, on trouve dans béprête. Vraiment, donc c'est un moment, et c'est un bon moment, donc c'est devenu le repas. Voilà. Il y avait une pièce de théâtre qui était près de Régos, qui était assez amusante, qui a été jouée par Strolat Kalag, là, près de Régos. Bon, voilà. Donc, oui, tout à l'heure j'ai parlé du rôti, et donc on dit que c'est le meilleur mets pour faire du fricot. Alors ça, c'est un mot meuse, dont on a déjà dû parler de ça, un mot masculin qui vient du latin, directement du latin mensa, qui voulait dire la table, et qui a donné le mets en français, M-E-T-S. Et meuse, alors ça s'écrit meuse, hein, dans certaines régions ça se prononce meuse, et ici on dit meuse, quoi, meuse. Rost et gwell en meuse, zo, péverwand, d'ober frico. Et ben voilà tout un programme, donc on va s'arrêter là-dessus, et puis on souhaite à nos auditeurs de faire souvent de bons fricots. Ça va être le moment, bientôt. Ah bah, à Noël, c'est la bonne époque. Hein. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezhonek temps m'attend. Alors aujourd'hui, le dialogue, Henri, on part à Zantoluk, oui. Parce qu'il y a une veillée. Oui, voilà, il y a une veillée qui a eu lieu en fait pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre, tous les ans. Donc ça te rappelle quelque chose cette date-là, non ? Le 23, c'est la Saint-Clément, c'est un peu mon anniversaire aussi. Ah ouais, voilà. Donc c'est le 22 novembre. Donc voilà, Charlie est allé voir Job Nédé, le gars qui, l'instituteur en retraite, qui s'occupe de plein de choses. Voilà. Très actif. Salut Job, ma de jeu. Ya ma tré, Charlie, à ganar. Ma dié, mais Job, l'art est d'une clé de meuse ou avec un déal, or veillard avec bazon tolk. Ya, or veillard avec peur filage, ma peu soin. Bien plat avec Redzi, un ei warnug, un de svisdu. Deves ante Sicilia, à plijad, ur vedermat. Kals du d'azobet. Ya, wardro perrug, un du de wa. A zon aérien. Ya, zon aérien, à can aérien. Rio, ang, à rigos. Bipsor bin viaou mem klevet, trujen gol, violon, stellen, wisten jowl, binyou, bombard, a kan de boz, a kan a diskan, a givid e chui, o ban ar guir tom, pe o ban ar dourazen de bepini, ya plijad ur zobet. Allez, on reprend phrase à phrase. Ce dialogue sur la veillée de Zantoluk, donc, qui a lieu chaque année à la Sainte-Cécile. Salut Job, ma de jeu. Ouais, salut Job, ça va quoi, hein? Ma triche, Annick, à Gunnar. Très bien, Charlie, et vous hein. M'a dit et Job. Et avec vous, quoi, ce serait la traduction. Oui, très bien aussi. Voilà. Mais la redine clévée de muse et wabed un déal, veillardek bazantoluk. Mais, ouais, dites-moi, j'ai entendu qu'il y avait eu, hein, clévée de muse et wabed, hein, qu'il y avait eu un déal l'autre jour, veillardek bazantoluk. Donc, une veillée à Zantoluk. Ya, veillardek pe filage, ma carite. Voilà, oui, une veillée ou un filage, hein, il y a plusieurs façons de dire ça, hein. Un filage, hein, ici on disait souvent filage, hein, puisque ça c'est plutôt dans le pays de Vannes, mais ici ça venait jusqu'ici, hein. Et non, alors, filage. Quoi, alors Nonzas, c'est quand même plus dense, hein, Nonzas, hein, c'était le fesnons un peu, quoi. Bepla vegretze de Nel Warnugen à Visdu, des Santé Cécilia. Ouais, Bepla vegretze de Nel Warnugen à Visdu,

troisième partie d'émission, Petra Zonevier Vroeri. Ben, quand se draw et veljus boer vejdi ouzan. Krogom de dianton vel custum, gandela bourdouar a gervu et war armes. Erion bremont tos de fin diskaramzer, ben e fin, pas de sfin ar blam, mais de sfin diskaramzer, a presti geteio gouan. Hag spi meus ne vo ke regal de gouan me meus rog vel vo. War da chenela bourdouar e lu en ma d'en trou ar mar emant, ne ke bra gout pe sa mod vo kont, pu dur ar zo kal ze gudeno, hein, de zem un bekom zet Alice déjà, war la bourdouar, hag zo war vo kal ze chanchement chou ba an amzor de zon. War da chenela bourdouar, mais ne ke bra gout pe sa mod vo en trou, a pe sa, war pe sa tu e yeyn en trou. Evit tout so, vo red di, der un mur, vo red di wal mur de zen endro, benefin, a produit ou trevad ou a kik, evit de bout gwer ze tostor de ze de son, e bro France, pe bro Europa, da skwe, a gavit tout el, ve fe gwellar der un war motober zo vreman, de la rade castro ou pel de ze, de zanme vel yir skornet, hag bon goul gant bro Europa pe an divor tre ur priz bro Europa hag an priz war mar ad ur bet. Bon, setu ar zo bin dibab d'or hag war anke pe sa dibab vo gret na war anke pi ou re en dibab ben e fin, gwellet vo. Mez ur war chèche un trou kalz. War da chen un ekonomi eus hag politikerez, bremen. Kuzul rand vo breiz, zo hober o nen klas kevit gout pe sa mot well of retourne de Brace ba bla do il tregon un peu sa mode vel en un homme sur des ondes vite Brace ag mvo nou vegred on tant me pebler war la farze ag onen classe que vegred war war roi dans internet et vel juste puis vraiment très tout d'un trou d'rien internet ag bon gwel lem me stam autre was au bit de baisse de zib et vraiment ag trou d'histoire bénéfine bon, trop, avait fait bien moyen de l'art, vin de Svors, pe Sorbro, pe Normandie, pe Kreis, France, pe bon, velan que de ta calze dro ou mes de zen affaires. Das queer war, war dash en eus evenadur, bon, pe sobe ki nigel zo tos de zman de zéro, me peçoit. Bon, ne velan que te calze dro ou mes de zen affaires. Bon, ba blado vilper, vin mon entend mes evro, oa bet zin eo d'on emglev, tre bro gembre a breiz, evit labour a d'arsemblez, oa ron ne peut tache nou. Evel just bro gembre zo an tam, ze zo in gal ag peyit gal, evit ur en kubekle ez eroaz, bro gembre zo on or square evit de breiz, pel rog om jiwaz pe dur, am noum ket bro a hanter de spes n'en gret, Med me mestras o liammout tre bro gembre a breiz pel zo, pudur, e on tom ma me ze venadur e ye so henvel mad, pe moyen ne ke bra gompren da feze hen brag, me kal ze draou e zo hag zo de breiz hag ve kave dive ba bro gembre. Hag war da chen ze venadur zo bet zin traou bon en deel oa bet o nebet tud deus breiz hor daran klas daran pred ou bro gembre bon pudior deja zo da skouer daran pred ou tre CRBC zo ba Brest hein, zo la bour a loar dro ze vela dur breiz hag skol u el skol veur a beri suiz bon gwell vo pe sa mod vo kont de se ya ze oa ba Cardiff hein, pe larin mod hein, oa bet un em glevs bon On tombe pe bler breiz ve gwell milin ou avel d'ober tredan pe eolien en makaret. Hag ar zo stal ge vo ivo igor et prestik or stal zo ba began hein, o park milin ou avel jesen, o parkat i milin ou avel, ba began zo trost de oenet, med ur vejman diz henvel un tro un tombe pudur park milin ou avel zo gret gant ur strol at tut, zo bodet semblez neus gell ur gevridigez, hein, hag strolat zo haunet begawat. Hag bon, klev meus vo gred o park adel, milin o avel, ba Sevenac Gwenrouet, Zoba League Ratlanton. De la Redé, Braise, hein, mais de Marme, Roise, Bro, Ligue. Yeah. Bon, au studio Isobegred, Neveso, vide war Grandeninse, hein, war Yoan qui se braise. Ag bon, case du Yoan zo braise, hein, med peso, casne verret et mon warog de glace labre, hein, plus dur, boide glaceau, pemdregan de Yoan qui se braise, zo aide les hel de glace au labre. Ag zi, juste zo dra, trisoir, hein, bon, ma chomac de Yoan Bavro. Vite mon nom temps voir dash en zevenadur des vaisseaux ou abe hanve d'un du d'un de sbid blanc me trop hug en herminique galak velardzi collier de l'hermine parce que beroas non mais ruizo rayo wang de gars de trop hug ben très grand l'homme ma très bon c'est tu en prise au béro et de verro de du d'un du d'un labour de voir dash en zevenadur pé Pétramant vibrais drève rose, hein, war trawel. Ag blamant zo bed hanjvet père, hein, perdin, eus bed trohougen herminik. De dientan Martial Ménard, Martial Ménard, zo hanjvet mat vid de labour gret gant war dachen brezondeg, hein, grendeus geria duriou vid riez, hein, geria duriou e brezondeg pendaben. Ag kalz labour neus begret, a dis, bon, e reo de trohougen herminik gant, bon, Hendel ou Belg, hein, un tas de Yves Pascal Castel, azo Hanemad, vu la bourre à l'oire glade, hein, Pelzo, Getskeden ou de ce glade à Tressaden ou à Bono Bermtro, à une bande de l'Everio, hein. Ag glade Zavel, Dreistol, glade religion, hein, Nilige ou Chapelio, Calvario. Ag Orbera IV Abaden ou Radio War Radio Rivage. War Eglad Jusman. On denel Nusberois Trohugen Herminig et Jean-Jacques Monnier, Zo Historou, Alice Veclève de Combs 200, hein, putur ne scrive de au Nebama de Leverio War Histor Brace. Ag mon au champ balar la nuen hein, cusulior bar ou zemames ba la nuen a hendel wa on denel wa c'est tanguy louarn hein, zone den azo hanav mod jus mod vid de toute business grade et videur brezondag a trop hugen herminix au perro était bas en nicolas redon bon puis on comes de ce zevena du roi ndl wa bas en igouden guel vid Annie Ebrel, ni nord de Annie Ebrel, zo au camp en braison de très grand lasso, ag milardar wakal zo du denan, ba kouls bazonad gvel ba feznons, zo be kalz du da bon zonerien, kanerien, a kalz du hendel, vid rent e inor na hand de Annie Ebrel. Vid chom mon tom war dash en or braison de, pu dire comme zo zor braison de, au levers au bedimban le neveso war troyouker nicolasik galak et petit nicolas zezo fentus ka nicolasik et de ni wagwel de zantezan en bas zantezan en moyenet trihan lasso mais les que même signé bonne sais-tu bonne troyouker nicolasik hein, zewabe gred hanterkan lasso gand sampe zo tresour hag gand gossini ni waget de Homjou, zo betro et gandivi kervelan, hag im banned, hein, bon se zo or blijadur vide vugalis, et on tam prov ma peswant vi gwell nedelek. Hendel o lever an neus gret berz, oaz, hag zo deux en mez ne vaisso, et lever war Jean Gouriou, po de fotoyo bas an Nicolas, hag en rol de ebed, non, im banned ebed un drase gand Strolader glas en Nicolas, hag bon, zo, pem kan zo bet im band da me zog vo rad gret reel, pe dur tout de re oa be gret zo bet gwer zed. Vegel moa kom ze tard de Jean-Pierre Elien, zo en ne vaisseau de Nandan, hag o président neve zo be hanve de Vilgwet Zanloup, Hervé Rouault, hein, ouais, déjà, la bourre à Douarzy, c'est pas très bon de l'assaut, mais non. Hag, bon, c'est tu vos président de Neve, hag, menos yo Neve, vidor Saint-Loup, de l'arrête. Bah, rostren, zo bedim bande do lever roas, war histor rostren, hag, lever zo gret gant Marie-Madeleine Paquet, zo rande mode, bah, rostren, déjà, moi, bétro de gomps de seille, hein, à Roland Jourdrain. Hag, bon, a zo ve gwellet kal zo draou di war ben histor rostren, hag, par ou joël de ce canton de rostren. Bon, kal zo bladé nouve lak de war mar ad ur mar emant, bon, der bas ve bladé nou, hein, au ton de mez, hein, da skouer, titom, hag istrol, hein, neus gred ur blad en neve, zo au ton de mez, vraiment, hein, zé. Hag, hendel, ma trezen peus klevet komz deus, lever, deus blad en gret gant Sylvain Rouz a Jacques David. Ma sen peus be kleven eb a tu deus ur vro gant Jean-Pierre Guyala hag bon ur bladen a zo stres de vous de ker tri bon hendel gret me mon tom tro ne velan ke kalz dra de l'art artin c'est du ben vegel vo komp ze roaz hag la rand salut de tout de Chiloé an er kabe hag tien ur vegel kien ar vegel eri ya ad artin model.